J'avais besoin d'arriver où que ce fût, et le plus proche était le mieux, car, m'étant égaré dans ma route, je me trouvais le soir à Moudon, où je dépensais le peu qui me restait, hors des Kreutzer qui partirent le lendemain à la dînée. Et, arrivé le soir, à un petit village auprès de Lausanne, j'y entrai dans un cabaret, sans un sol, pour payer ma couchée et sans savoir que devenir. J'avais grand faim. Je fis bonne contenance et je demandai à souper, comme si j'eusse eu de quoi bien payer. J'allai me coucher sans songer à rien. Je dormis tranquillement. Et, après avoir déjeuné le matin et compté avec l'hôte, je voulus, pour 7 bahts, à quoi monter ma dépense, lui laisser ma veste en gage. Ce brave homme la refusa. Il me dit que, grâce au ciel, il n'avait jamais dépouillé personne, qu'il ne voulait pas commencer pour 7 bahts, que je gardasse ma veste, et que je paierais quand je pourrais. Je fus touché de sa bonté, mais moins que je ne devais l'être, et que je ne l'étais depuis, en y repensant. Je ne tardai guère à lui renvoyer son argent, avec des remerciements, par un homme sûr. Mais, 15 ans après, repassant par Lausanne en mon retour d'Italie, j'eus un vrai regret d'avoir oublié le nom du cabaret et de l'hôte. Je l'aurais été voir, je me serais fait un vrai plaisir de lui rappeler sa bonne œuvre et de lui prouver qu'elle n'avait pas été mal placée. Des services, plus importants sans doute, mais rendus avec plus d'ostentation, ne m'ont pas paru si dignes de reconnaissance que l'humanité simple et sans éclat de cet honnête homme.